continuer. Moi t'ai mis tant d'années négligé. Toutes ces promesses nous t'aiment. Société, faut prendre conscience. Tout bon, moins on chance encore. Oui, on nous réconcilie, ça ne fait pas continuer. Tous les jours, c'est au même bien qu'à rêver. Oui, on nous recommence. Chérie, m'en passe à oublier. J'en ai aimé avant. Pour qu'il nous pas tourner ensemble. Ça fait tout ça qui t'a fait.